Mosaïque. Bonjour auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, l'émission c'est Mosaïque, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, Mosaïque nous amène dans la province de Gitega pour parler de la tolérance politique dans cette période des échéances électorales pour le référendum. L'histoire nous a montré qu'à chaque fois que se rapprochent les élections, il se fait observer un climat de tension, des accrochages entre des adversaires politiques. Cela se traduit à travers des échange des discours haineux, des affrontements entre les jeunes des partis politiques adverses. Il arrive même que des gens soient tués à cause des rivalités politiques. Durant cette période de processus électoral sur l'amendement de la Constitution, les politiciens sont entrés de faire campagne pour rallier les citoyens à leur cause. Ainsi, dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, qui se tient ici dans la province de Gitega, nous allons essayer de voir pourquoi surgissent des accrochages entre partisans des divers partis politiques à chaque fois que se rapproche la période électorale. Quelle est la cause de cette intolérance entre partis politiques adverses? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous les politiciens et leurs partisans soient tolérants les uns envers les autres? Pour traiter toutes ces questions, nous sommes avec des invités. Il s'agit de l'honorable Georges Chimilimana, secrétaire provincial du parti CNDD-FDD en province de Gitega. Bonjour et bienvenue dans cette émission Mosaïque. Bonjour et soyez le bienvenu dans la capitale politique du pays Gitega. Merci. Jacqueline Ngabirano, présidente de la commission électorale provinciale indépendante CENI dans la province de Gitega. Bienvenue dans notre émission Mosaïque. Bonjour. Nous sommes également avec Évariste Ndabaniwe, président du parti Sawanya Frodebou. Bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et merci pour l'invitation. Enfin, nous sommes avec sur ce plateau de Mosaïque avec Chartier Niungeko, spécialiste en transformation des conflits au sein du ministère Paix et Réconciliation sous croix dit Miparek. Bienvenue dans Mosaïque. Merci de m'avoir convié à cette émission. Merci beaucoup. À l'animation de cette émission, vous êtes avec Médard Niogourou et la réalisation est assurée par Aubin Niogourou. Bienvenue encore une fois. Mosaïque. La première question est adressée à l'honorable Georges Chimilimana. L'intolérance politique est-elle une réalité dans la province de Gitega? Merci pour cette question. Moi, à ma connaissance, je peux affirmer sans me tromper que dans la province de Gitega, la tolérance est là. Les partis qui n'ont pas de même opinion politique sont là. Et je suppose que vous êtes venu ici en conséquence de cause. Je suis sûr que vous êtes au courant que dans la province de Gitega, la cohabitation est vraiment pacifique. À ma connaissance, je ne vois pas d'incident qui peut caractériser la province de Gitega comme une province où il y a l'intolérance politique. Merci beaucoup. Dans le parti de Dada et Melchior, le Frodebou, êtes-vous satisfait de la cohabitation entre partis politiques dans cette province de Gitega? Au niveau de la cohabitation ici à Gitega, le climat est vraiment acceptable. Parce que, à ce que je connais, à ce que je sache, tous nos travaux au niveau de la province, nous pouvons réaliser nos réunions sans un problème. Et une fois qu'on a respecté les consignes, c'est-à-dire demander des autorisations, et évidemment, le parfait n'existe pas, vous le savez. S'il y a l'un ou l'autre cas, on essaie de le traiter directement avec les concernés, surtout avec l'administration, et ça finit par s'arranger sans problème. Merci beaucoup. Au parti CNDD-FDD, il y a des slogans injustes qui peuvent choquer les partis adverses. C'est le cas ici dans votre province? Je ne sais pas si vous pouvez donner un exemple. Je suis sûr et certain que chez nous, nous avons lancé un mot d'ordre à nos militants. que ce soit dans les réunions politiques, que ce soit dans cette période de campagne, il n'y a pas de slogan qui va choquer nos partenaires. Moi, je ne dirais pas nos adversaires. Et il n'y a pas de slogan qui est préparé pour ça. Nous avons parlé de l'intolérance dans certaines communes de la province de Gitega. Mais je vous dis toujours, mon cher ami journaliste, moi j'aime la réalité. Il faudra préciser dans quelle commune, et comme ça je peux vous répondre avec exemple à l'appui. Nous pouvons citer le cas de Mutaro, Kiheta et la Seigneur Sangui. Il y a des affrontements entre les jeunes. Pour le cas de Mutaro, je suis sûr et certain que vous parlez d'une situation d'il y a quelques années. Je ne vois pas une récente situation dans la commune de Mutaro qui suscite des affrontements. Même à Nyarusange, je ne vois pas vraiment une situation qui suscite des affrontements. Et pour le cas de Giheta, c'est un cas que j'ignore complètement. Et pour le cas de Nyarusange, je crois que vous faites allusion à une certaine situation qui est arrivée et quand il y a quelqu'un qui a été tué. Et par après, il y a des gens qui sont devant la juridiction et il y a la justice qui fait son devoir. Alors ça, ce n'est pas une source d'affrontement. Merci beaucoup. Maintenant, on donne la parole à Chartier Niyungeko, spécialiste en transformation des conflits au sein du ministère Paix et Réconciliation sous Croix Miparek. Après les interventions de chacun de ses responsables des partis politiques, quelle est votre appréciation sur la situation actuelle, surtout au terrain? Merci de cette question. Ce que je peux dire par rapport au contexte actuel, surtout par rapport à l'intolérance politique entre différents acteurs ou partis politiques, jusqu'à maintenant, je peux me permettre de dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas un fait qui brille, à moins qu'il y ait quelque chose qui se produise dans quelques jours à venir. Mais jusqu'à maintenant, si nous partons de la situation du moment, pour dire que vraiment, ce qu'on peut dire, ce qu'on voit, un climat de tolérance, je peux affirmer ça. Et même s'il y a quelqu'un qui a dit que tout n'est pas parfait, et vrai, si nous rentrons dans ce qui s'est passé dans l'histoire, dans un passé qui est très proche, il est vrai qu'il y a eu des affrontements dans l'une ou l'autre commune, entre jeunes affiliés à différents partis politiques. Et ça s'est produit dans la commune Mutaro, Giheta, Nyarusange, mais je crois à la situation a été maîtrisée, et comme l'honorable a dit, la situation a été maîtrisée et nous espérons que les choses vont continuer à bien marcher pendant cette période électorale d'ici au 17, qui est la date fixée pour les élections, dit oui ou non quant à la Constitution. Merci beaucoup, Chartien. Vous pouvez nous dire au moins la source de l'intolérance, surtout si c'est possible qu'on peut mettre une barrière. Surtout quand on parle de l'intolérance politique, d'abord je dirais que en tant que quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le domaine de transformation des conflits, l'intolérance c'est quand lorsque deux ou plusieurs partis politiques dont ne s'acceptent plus, ne veulent pas donner la chance aux autres d'exercer leur politique. Et les causes c'est quoi? Les causes peuvent rentrer dans l'histoire de notre pays. Nous savons ce qui s'est passé depuis le temps de l'indépendance, depuis 61. Il y a des dates marquées qui marquent l'histoire sociopolitique de notre pays. Il y a 1961, 72, il y a 88, il y a 93, et il y a 2010 aussi, c'est très récent, mais aussi 2015. Oui. Tout ça, c'est-à-dire que lorsque les gens ont gardé des séquelles en eux, ou ont gardé ce que j'appellerais des traumas en eux par rapport à ce qui leur sont arrivés, quelque part cela peut être aussi une source d'intolérance politique, parce qu'ils restent sur leur garde, donc ils restent sur une position où ils doivent faire tout pour gagner, pour gagner les élections, et ça aussi ça peut être une des causes de l'intolérance politique. Merci beaucoup. Au niveau de la commission électorale provinciale indépendante, vu les tensions qui prévalent entre différentes formations politiques, il vous est facile de travailler en équité avec toutes ces tendances? Merci de m'accorder la parole. Au niveau de la CEPI Gitega, nous n'avons pas de problème dans notre travail de tous les jours. Comme vous l'avez entendu, la cohabitation entre les partis politiques travaillent dans cette province est bonne. Et en ce qui nous concerne, nous continuons à traiter tous les partis politiques au même pied d'égalité. Y a-t-il des mesures fixes qui peuvent mettre, disons, en équité les partis protagonistes ici dans votre province? Oui, il y a les mesures que le code électoral prévoit, des lois pour trancher s'il y a des conflits entre ces partis et aussi quand il y a l'un ou l'autre qui peut faire des choses qui n'est pas bien, il y a des lois qui prévoient les punitions. Merci beaucoup. On tente le micro au parti Sahwanya Flodebou, le parti de Ndadaye. Au sein de votre parti, vous appréciez tout apparemment. Est-ce que la démocratie est une réalité ici dans votre province de Gitega? Bon, tout c'est trop dire. Mais effectivement, on ne va pas élargir ça au niveau national, mais au niveau de Gitega, jusqu'à nouvel ordre, nous voyons que tout ce qui est des partis se fait et tout ce qui est demandé jusqu'à présent, il est accordé. Et je dirais que les autorités au niveau de la province nous donnent les chances de faire nos activités sans aucun problème. C'est-à-dire que pour le cas présent qui concerne les élections de la préparation des élections du 17 de ce mois, je dirais que jusqu'à nouvel ordre, à part que on n'a pas encore bien démarré la campagne en tant que telle, je dirais que nous sommes là sans aucune entrave pour pouvoir faire nos travaux de campagne. Et ce qui suppose que pour moi, demain après demain, nous pourrons nous manifester et dire clairement ce qui est dans notre cœur et parler à nos membres et sympathisants pour que ils puissent voir effectivement ce dont nous souhaitons à ces élections. Et voir la situation actuelle, voir la cohabitation entre partis politiques, disons le CNDD-FDD parti au pouvoir et d'autres partis évrants ici dans la province de Gitega, il y a de l'intolérance visible. Moi, quand je me compare avec les partis ici présents, moi, je veux dire au niveau du Frodebou, je n'ai pas d'entrave. Et si comme tout est bon, tout non est bon. Non, comme le monsieur l'a dit, lui qui a une avancée sur nous. Selon sa spécialité, ce qui peut venir demain, je le sais pas. Mais si vous me dites les partis qui sont sur place, il n'y a aucun parti qui nous bloque dans ce que nous voulons faire. Vraiment, à ce côté-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de l'intolérance. Et je suppose que ça ne viendra pas demain. Et c'est là où je peux mettre la confiance, puisqu'aujourd'hui, je ne le vois pas. Et demain, je crois que je vais travailler ça tranquillement et faire ce que je veux. Merci beaucoup, Evariste Ndabaniwe, du parti Sahwanya Frodebou. Honorable Georges Chibilibana, secrétaire du parti CNDD-FDD dans cette province de Gitega, vous avez dit que le mot d'ordre est la discipline dans votre parti, oui? Oui. Des fois, nous entendons parfois des gens se regardant en chef de fiance. Ce sont des cas isolés. Moi, ce que je peux affirmer, c'est que les gens, chaque personne a sa personnalité. Nous ne sommes pas créés de la même façon. Si ici ou là, il y a quelqu'un qui manifeste un excès de zèle, ça, on ne peut pas attribuer ça à un parti politique. Il y a un individu qui peut se lever et commettre son forfait. Est-ce que cela est attribué à un parti politique? Et ce qui est clair, dans le parti CNDD-FDD, nous avons donné un mot d'ordre à tous nos militants de travailler tranquillement, de travailler en respectant les opinions des autres. Et c'est ce qui se présente souvent. Et c'est ce qui se présente même maintenant dans cette période de campagne pour voter la Constitution. Je suis sûr et certain que partout dans les communes, dans les collines, il n'y a pas quelque chose que vous allez entendre qui va entraver cette activité de campagne. Nous avons suffisamment donné des informations, nous avons suffisamment annoncé à nos militants que s'il y a quelqu'un qui va commettre un forfait, on ne peut pas tolérer, c'est nous-mêmes qui allons commencer à le punir. Et ça, vraiment, je te le promets, dans le parti CNDD-FDD, nous ne sommes pas prêts à perturber l'ordre et la sécurité. C'est tout, vous l'avez dit vous-même. Nous sommes le parti au pouvoir. Quel est l'intérêt que le parti au pouvoir récolterait quand il est à l'origine de ces menaces de sécurité? Quand vous êtes au pouvoir, vous devez tout faire pour que l'entité garde la paix, la sérénité, la tranquillité. Et sinon, on ne peut pas être à l'origine de l'insécurité. C'est pourquoi la tolérance dans notre parti politique, c'est quelque chose que nous avons mis en avant. Merci beaucoup. Chartier, spécialiste, vu ou entendu les interventions de chacun ici dans notre plateau mosaïque, vu le sein de DFTD par l'intolérance politique et le Sarania Frodebou, il y a un mot à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter, surtout pendant ce contexte électoral. Et je pense que l'histoire des élections au Burundi nous a toujours laissé de mauvais souvenirs depuis le temps de l'indépendance, comme je l'ai dit dans mon introduction. Alors, ce que je dois dire, c'est que chaque fois qu'il y a des élections qui sont organisées, il est vrai, aujourd'hui, on voit qu'il y a un climat de cohabitation entre différents partis politiques ici, dans la circonscription de Gitega, mais on ne sait pas ce qui va se passer demain après-demain. Avant même le 17, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ici, ce que je peux dire, c'est que en termes de transformation des conflits, il y a des notions qu'on doit comprendre, surtout en termes de conflits. En termes de conflits, il y a des conflits qu'on peut appeler conflits sous-jacents. C'est des conflits qui ne sont pas encore ouverts entre différents partis qui sont impliqués ou qui sont acteurs dans un contexte donné. Et lorsqu'un conflit est sous-jacent, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un facteur déclencheur. Lorsqu'il y a un facteur déclencheur, c'est là où on va voir des affrontements entre les concernés. Il y a des acteurs qui peuvent être sur l'entrée dedans. C'est ce que nous pouvons appeler communément acteurs directs dans une situation de conflit. Mais aussi, il y a d'autres acteurs invisibles. C'est des acteurs qui sont invisibles, mais qui continuent à influencer le conflit ouvert entre les acteurs visibles. C'est-à-dire que ce contexte, pour moi, est un contexte très sensible, selon l'histoire de notre pays. Même si nous pouvons affirmer aujourd'hui qu'il y a la tolérance politique, c'est la tolérance entre qui et qui. Parce qu'il doit y avoir deux parties. La première partie est pour oui et l'autre partie est pour non. Alors je me dis qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ces campagnes politiques, je me dis quand même que c'est une période qui va susciter de beaucoup d'émotions dans les deux parties. Les émotions de la part de ceux qui veulent que oui gagne ou de la part de ceux qui veulent que non gagne. C'est-à-dire quelque part, il est vrai, il y a la tolérance, mais on doit travailler là-dessus pour essayer de maîtriser ces sentiments, ces émotions déjà, afin qu'il ne puisse pas y avoir des violences politiques comme on l'a observé dans le passé. Vu ce que les deux politiciens ont affirmé sur ce plateau de Mosaïque, la situation à Gitega par rapport à d'autres lieux, comment vous la présentez? Pour moi, je me dis que quand même la situation est mieux par rapport à ce que nous entendons dans d'autres provinces. Parce que quand vous entendez ce qui se passe, si là même si j'ai mentionné le nom, des fois on entend des propos haineux, on entend des discours de manipulation politique de l'un ou de l'autre parti, selon les idéaux politiques ou selon les intérêts politiques. Et à tel enseignement qu'on observe, il y a déjà qui sont même malmenés, qui sont violentés de par leur position politique, surtout par rapport au contexte actuel. Mais ici à Gitega quand même, nous pouvons dire que cela n'est pas encore arrivé jusqu'à maintenant. Et je pense que ces leaders politiques avec qui nous sommes ensemble vont faire tout pour qu'il y ait toujours ce climat de paix, de cohabitation et de tolérance. Parce que c'est ce que nous voulons. Ce que nous voulons. On peut toujours diverger dans la politique, mais je pense que l'intérêt suprême, c'est de pouvoir assurer qu'il y ait un climat de paix, de cohabitation ou de tolérance entre différentes tendances politiques. Merci beaucoup, Chartier Niungeko, Mena, le parti CNDD, FDD. Je crois que vous allez voter oui. Vous croyez? N'est-ce pas honorable? Mais c'est sûr. Nous, le parti CNDD, FDD, comme les autres Burundais, nous allons voter oui. D'ailleurs, je vois que vous portez un t-shirt et une casquette qui le prouve, non? Parce que nous sommes en pleine campagne. Si demain le nom remporte, comment vous allez y prendre? Est-ce que vous avez vraiment cette idée? Ah non, j'ai dit au parti. En tant que journaliste burundais, est-ce que vous croyez que le nom peut remporter dans ces élections le 17 mai? Là, je vous affirme que le oui va remporter. Et je suis sûr et certain, et vous allez me prouver le contraire. Si le nom remporte les élections du référendum du 17 mai, comment vous allez vous y prendre? Je ne ferai que leur souhaiter bonne chance. C'est-à-dire que maintenant les élections ont déjà pris fin, non? Non, les élections ne sont pas encore terminées, mais le match est vraiment prévisible et ça se voit, ça saute à l'œil. C'est clair, hein? Je crois que le oui va remporter. Et là, je vous dis que si le non remporte sur le oui, ça, c'est pas. Je ne vois même pas le terme pour exprimer cela. Mais en tout cas, ce que je vous affirme, si moi je veux voter oui et que mon ami Évariste va voter non, vous allez voir même à la sortie de cette salle, nous allons marcher côte à côte. Cela pour nous n'est pas un problème. Chacun a ses opinions politiques. S'il vote pour non, c'est parce qu'il sait pourquoi. Moi, je veux voter oui, je sais pourquoi. Mais cela ne peut pas être source de conflit. Parce qu'après tout, après le 17, nous serons régis par une nouvelle constitution. Je ne vois pas pourquoi alors on se lancerait des mots malveillants. Non. Je crois que ici à Gitega, et comme on vous l'a dit, même celui qui est neutre, qui n'est même pas dans ses partis politiques, il veut dire que la tolérance est là. Je ne vois pas si il y a de l'intolérance, comment pourrait vous dire qu'il y a de la tolérance? Ce que nous disons, c'est une pure réalité. On ne peut pas dire le contraire de ce qui existe. Sinon, ça nous avantagerait à quoi? Merci beaucoup, honorable. Au sein du parti Sahania Frodebou, vous prenez pour le nom, n'est-ce pas, Évariste? Absolument. Alors, si demain, le oui remporte, comment allez-vous vous comporter? Je vous ai dit que au niveau de la démocratie, nous sommes vraiment avancés. Il n'y a aucun problème si le oui remporte. Et seulement, maintenant que le match commence, moi, je ne vais pas dire que le oui a déjà remporté. Non. Là, je ne peux pas le dire. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est une très belle occasion de dire, quand même, de montrer que les opinions, effectivement, sont divergentes. Parce que il y a des gens, comme vous nous posez la question, qui l'entendent comme si c'était un tabou. Maintenant, c'est une très très belle occasion d'entendre qu'il y a des gens, des protagonistes, qui sont là et qui le disent tout haut, contrairement à ce que certains de nos peuples le croyaient. Et pour moi, c'est une très belle occasion et je vous en remercie d'ailleurs. Alors, vous nous dites, c'est-à-dire si le match se termine le 17, notre façon, notre comportement résultera de ce qu'on aura eu dans les urnes. C'est-à-dire que nous sommes devant la personnalité concernée qui sera l'arbitre. Et ce que nous demandons à elle, ça sera de bien jouer l'arbitrage. Et une fois l'arbitrage terminé, les résultats sont là. Nous sommes prêts à voir les résultats et accepter les résultats. Honorable a dit qu'il est fier et il voit bel et bien qu'ils vont remporter, le oui va remporter les élections. Moi je le comprends très bien. Moi-même, je vais remporter. Avez-vous perdu cette défaite? Non. Le match commence, plutôt les préparatifs commencent. Il s'est préparé, je me prépare. C'est-à-dire que moi-même, je ne peux pas aller dans un match sans savoir si je vais gagner. Ça se voit sur terrain. Et c'est l'arbitre qui va faire le sifflet final pour dire maintenant les buts, on les a comptés et on affiche. Et là, vous avez l'envie de dire que le CNDD-FDD a gagné le match avant même d'entrer au terrain. Non, c'est toi qui le dis, pas moi. Bon, je la pose. Non, écoutez, vous avez gagné avant le match. Moi, je n'ai pas dit que vous avez gagné avant le match. Moi, j'ai dit que le match est là, le match est chaud et le préparatif montre que nous avançons vers le but. Apparemment, c'est ce que j'ai dit. Subi, parce que le 17, on va annoncer les résultats. Et moi, je me dis que je me suis très bien préparé. Le match est chaud. Mes joueurs sont bien outillés. On voit que nous avançons droit vers le but. Apparemment, vous m'avez demandé si moi aussi je vois que vous l'avez remporté. C'est vrai ou ça se voit? Mais vous allez passer dans les différentes communes, vous allez voir vous-même, vous allez juger. Vous n'avez pas perdu Frodeo? Non. Moi, je suis sûr que nous nous sommes bien préparés et comme une équipe qui s'affirme, je vois que le match sera gagné par le parti CNDD-FDD avec tous les autres Burundais. Parce que ce ne sont pas les membres du parti CNDD-FDD qui vont voter le oui seul. Il y a aussi d'autres Burundais qui ne sont pas dans le parti CNDD-FDD qui vont voter le oui. Et le cas contraire, comment vous allez vous y prendre? Moi, je vous ai dit, nous sommes des démocrates. La tolérance est toujours là dans notre province. Nous allons partager la joie avec celui qui va gagner. La joie, le bonheur ou le malheur? C'est la constitution qui va nous guider, nous tous. Je ne vois pas comment je peux... Vous êtes sûr de vous-même? Ça, c'est clair. Je vous l'ai dit et je ne retire pas. Mais en tout cas, ce que je te promets, c'est que celui qui va gagner, celui qui va perdre, nous sommes sûrs que nous resterons toujours dans ce pays et nous serons régis par cette constitution. Je ne vois pas alors la source de ces conflits. La cohabitation doit continuer comme elle est dans notre province. Et puis, je vous ai dit que c'est la future capitale politique. Il faudrait que le climat politique soit bien préparé. Il faudrait que nous entrons dans cette situation étant bien préparés. Il faut que Gitega reste toujours et havre de paix, comme il a été, vous avez vu même en 2015, lorsqu'il y avait des manifestations dans les autres provinces, tout le monde se réfugiait à Gitega. Les mariages, c'était à Gitega. Les vœux de deuil, c'était à Gitega. Même les baptêmes, on venait ici à Gitega. C'est pour vous montrer que, pour nous, c'est pas quelque chose qui commence maintenant. C'est quelque chose qui a existé. Et nous avons confirmer que nous allons travailler la main dans la main pour que nous restions dans cette situation de paix. Après tout, l'insécurité, c'est avantage qui? Si je provoque l'insécurité, est-ce que je suis sûr que je vais rester dans la paix? Il n'y a aucune raison de provoquer de l'insécurité. En tout cas, nous prenons pour la cohabitation politique. Merci beaucoup, honorable Georges Chimili Maladi, parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Nous accordons la parole au Frodebou. Apparemment, le CNDD-FDD n'a pas perdu match, n'a pas perdu des élections. Je ne vois pas votre place. C'est par rapport à ces campagnes, surtout le 17 mai, le jour où on va voter le oui ou le non. Moi, nous n'avons peur de rien. Non, si jamais vous n'y croyez pas, là, vous risquez de vous tromper. Et si nous avons décidé d'entrer dedans, c'est-à-dire de vivre ce match, c'est que nous sommes déterminés. Et déterminés, c'est-à-dire que nous avons mobilisé nos forces, nous avons mobilisé nos membres, et même si on n'a pas encore fait la campagne, je veux dire, d'une façon, je veux dire, le genre de meeting, ce n'est pas qu'on n'est pas en train de travailler. Non. C'est-à-dire, au niveau des communes, au niveau des collines, nous sommes en train de travailler et nous savons que maintenant, tout le monde est sensibilisé pour je veux dire notre choix. Et comme il l'a dit, nous avons des explications à notre choix, non, plutôt pour qu'on accepte notre choix. Et c'est là qu'on est en train de diffuser un peu partout. Et une fois que tout le monde aura compris, c'est là où nous disons que nous-mêmes, le résultat que nous attendons, c'est la victoire. Sinon, la finalité, c'est quoi? Comme il a dit, à Gitega, je crois que jusqu'à nouvel ordre, même s'il a parlé à partir de 2010, moi j'irai loin. Avant qu'il y ait 2005, je veux vous dire qu'il y a la ville de Gitega qui n'a pas connu le couvre-feu pendant la crise. Et je suis sûr et certain parce que j'étais parmi les gens qui s'occupaient de la sécurité de Gitega. Pour dire que Gitega, ce qu'il dit, c'est finalement un mode de vie. Mais en ce qui nous concerne pour le match, là, nous sommes sûrs et certains. À Gitega, qu'une fois le match terminé, c'est-à-dire les élections, nous allons nous retourner seulement à l'arbitre. Et partager un verre, si possible. Absolument, absolument. Parce que c'est déjà démontré, ça s'est déjà fait. En tout cas, quand il y a eu les élections, par exemple en 2005, tout le monde a été content, on a vu les résultats, on a été fiers, on a partagé, les bistrots étaient les mêmes, il n'y avait pas de séparation. Et même quand il y a eu ce qu'on a appelé crise de 2010, 2015, Gitega n'a rien connu de grave. Non. Alors, pour dire que finalement, ce qui compte aujourd'hui, c'est que chacun, je veux dire, qui dirige le parti ici à Gitega, qui l'épouse. Bon, parce qu'il y en a, je parle parce qu'il y en a qui ne sont pas ici, qui épousent ce mode de vie afin que demain il n'y ait pas, bon, je veux dire, une histoire qui puisse nous tomber dessus. Mais donc là, je crois qu'on va faire attention. Mais pour illustrer ce que nous vivons aujourd'hui, je peux vous dire que lui, il habite en quartier. Lui, il habite en quartier. Lui, elle habite en quartier. Moi, j'habite en autre. Dans mon quartier, par exemple, s'il y a un problème qui survient, c'est-à-dire, les gens du quartier, nous mettons, à partir de nos leaders, c'est-à-dire le chef du quartier, nous lui disons qu'il y a eu un problème, arrangeons-nous pour le résoudre. Bon, je peux vous dire, il connaît les cas à Magarama. Il y a des garçons qui voulaient faire pendant la nuit des petits coups. On n'a pas eu besoin de lui parler de ça. Nous avons réglé ça dans le quartier. C'est pour vous dire que... Mais oui, il est le chef du parti. Non. Il est le chef du parti. Non. Ça, je suis sûr qu'on l'informe. On l'informe après. Je parle de la façon dont nous vivons dans la ville de Gitega, dans la province de Gitega. Et c'est là, je parle des cas qui arrivent, qui ne se disent... Les perturbateurs de ces coups-là, c'était des jeunes du parti au pouvoir? Bon, c'est ce que j'ai appris. Mais quand j'ai appris ça, moi, je me suis rabattu sur le chef du quartier. Et avec le chef du quartier, nous avons corrigé ce problème immédiatement. Parce que dans la gouvernance, il ne faut pas justement voir l'appartenance politique. Il faut d'abord voir la famille dans laquelle on vit, c'est-à-dire le quartier. Parce que c'est ça la base. Parce que quand la base a un problème, tout devient compliqué. Alors si je reviens sur le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est le cas qui concerne, comme il a dit, ce qui peut advenir demain. C'est-à-dire, c'est à nous de prêter attention. Mais le début vient d'avoir, je veux dire, vient de commencer pour que les gens comprennent qu'on va vivre un moment, je dirais, logique, parce que nous venons de parler de ce cas, parce qu'il y avait des gens qui n'y croyaient même pas, qu'il y a des gens qui puissent dire non. Comme nous sommes en train de le partager. Et ça, pour moi. Peut-être que dans le parti Frodebo, vous êtes moins nombreux. Hein? C'est ce que vous croyez. C'est ce que l'honorable a dit à ce qu'il voit sur terrain, vraiment, Louis Vara. Non, lui, quand il dit ça, il a raison. Eh oui. Il a raison. Je vais te donner un exemple. En 93, qu'est-ce que le parti Ipona disait quand on parlait des vanipiers? En fait, tu veux dire que monsieur l'honorable peut avoir peur. Non, la situation. Je dis pas qu'il y a des éléments qui montrent que si réellement l'honorable est remporté. Non, plutôt tu as l'intention de me voir avoir peur. C'est ça. C'est non, plutôt non, ça. Non, non. Alors, moi je te dis, il a effectivement raison. Je te dis comme il l'entend et comme il le voit. Et moi j'ai raison de dire comme je l'entends et comme je le vois et comme je le sens. Et c'est ce qui est très intéressant ici. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de conviction. Et chacun a sa méthode de convaincre. Parce que comme il l'a dit, et je vous dis la même chose, les électeurs, ce ne sont pas les membres du parti seulement. Non! Et comme nous sommes dans le multipartisme, il y a par exemple des partis qui peut-être n'auront même pas la chance de se faire élire, n'est-ce pas? Mais comme c'est deux points, c'est-à-dire le oui ou le non, oui ou le non. C'est-à-dire que... Si c'est oui, si c'est pas oui, c'est non. Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront versés dans le non, parce que peut-être ils ne s'attendaient même pas que ça va se parler à la radio comme ça. Évariste, on va donner la parole à la commission. D'accord. Mais je voulais te montrer que ce n'est pas une question de peur. Quand on fait un match, on le fait sur le terrain et on vit les buts qu'on a marqués. Merci. Merci beaucoup. Jacqueline, vous êtes arbitre, donc impartial. Vous pouvez assurer que cette impartialité continuera à vous guider. Ah oui. Je veux vous assurer que cette impartialité va nous guider. Tout simplement, je veux demander à ces leaders de ces partis politiques que le jour du scrutin, d'envoyer les représentants, les mandataires politiques, de suivre ce qui se passe dans les bureaux de vote et ces mandataires, de les dire de rester dans les bureaux pour voir tout ce qui se passe, de rester tout le temps qu'on fait les élections, voir comment on fait les comptages, suivre tout. C'est-à-dire que leur présence est obligatoire et aussi permanente. Madame, vous n'accepterez pas la pression des dirigeants des différents partis politiques, je dirais? Non. Comme vous l'avez entendu dans la province de Gitega, il n'y a pas de pression sur nous. Nous travaillons librement. Et si demain ou après-demain, l'ancien des FTD met une pression sur la CENI, vous allez vous y prendre? Pourquoi le CENI des FTD? Honorable. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est-à-dire que nous sommes des arbitres. C'est-à-dire que nous sommes ici pour tous les partis politiques. C'est-à-dire que pour nous, tous les partis politiques, nous les considérons de la même façon. Nous les considérons au même pied d'égalité. J'allais dire honorable, même le parti Sahwanya Frodebou peut mettre une pression à la CPI. Hein. Ce n'est pas seulement le CDD FTD. Hein. Parce que les résultats viennent d'abord des bureaux de vote. Ça monte à la CECI. Ça arrive à la CPI. Parce que moi, je vais dire à Madame Présidente de la CPI de prononcer les résultats qui ne sont pas provenus des bureaux de vote. Ah, je ne crois pas moi aussi. Voilà, alors je ne vois pas même la raison de cette question. Ah, peut-être j'ai demandé la question à la CPI si demain ou après-demain il n'y a pas d'oppression, parce que la CPI est impartiale, c'est-à-dire que la CPI travaille à l'équité pour tous les partis politiques, comme Madame l'a affirmé ici sur plateau. Est-ce que l'on va accepter de transmettre à la CENI des résultats qui ne sont pas provenus des bureaux de vote? La question est demandée à la CPI. Non. Les résultats, comme l'honorable a dit, provenaient des bureaux de vote. Même les mandataires des votants de oui vont avoir une copie. Les mandataires des votants de non doivent avoir une copie. C'est-à-dire que nous, nous ne pouvons pas donner des résultats contraires à ces résultats qu'on a annoncé au bureau de vote. Merci beaucoup, Madame de la CPI. On donne maintenant la parole à Monsieur Chartier Niungeko, spécialiste en résolution pacifique des conflits, voir les tensions qui surgissent ici sur le plateau. Est-ce que ces tensions vous mettent à l'aise pour dire que l'intolérance a une place vraiment visible ici dans cette province de Gitega? Okay, merci de cette question, mais en termes de compréhension d'un contexte de conflit, il y a trois éléments importants qu'on analyse souvent. Et le premier élément, ce que nous appelons intérêt. Parce que dans chaque situation de conflit ou de mésentente ou de tension, c'est-à-dire chaque partie impliquée dans cette situation a un intérêt quelconque. Le deuxième élément, ce que nous appelons besoin. D'ailleurs, qui devait venir en première position. Quand on parle de besoin, c'est que donc tout le monde a des besoins pour se sentir à l'aise, pour être à l'aise. Et quand on parle de besoin, c'est tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin dans la vie quotidienne, quoi. Mm-hmm. Et le troisième élément, ce que nous appelons position. quand on parle de l'opposition, c'est l'opposition est définie de par les propos, les discours, tout ce qu'on peut voir, surtout les opinions des uns et des autres, surtout de ces acteurs qui sont impliqués dans cette situation de conflit. Alors, comme nous sommes dans un contexte où nous avons deux partis, quand on parle de deux partis, là ici je parle pas de parti politique. C'est le oui ou le non. C'est le oui ou le non. Mm-hmm. Nous avons deux partis. Il y a une partie qui est du côté du non. Cette partie qui est du côté du non a un intérêt quelque part. Et comme vous l'avez toujours entendu, comme Évariste aussi l'a dit, et même d'autres qui sont de son camp, ils ont un intérêt de voir le non remporter. Parce que pour eux, le non ferait de sorte qu'on puisse garder la constitution que nous avons jusqu'à maintenant. Parce que pour eux, la constitution que nous avons est bonne. Elle est bien érigée, pour eux, il n'y a pas de problème. Et pour l'autre partie? Et pour l'autre partie qui a dit oui, on dit non quand même, il faut que les amendements qui ont été apportés à la constitution puissent être approuvés, quoi. Et ça, c'est à travers ce processus. Et cette partie aussi a un intérêt de voir l'eau, oui, remporter. C'est-à-dire, il y a des intérêts divergents. Et lorsqu'il y a des intérêts divergents, et c'est normal. C'est normal que les gens, quelque part, puissent rentrer dedans, puissent vivre des tensions. Mais ici, je dois rappeler tout le monde que nous partageons le même besoin. Le premier besoin, c'est d'abord, c'est la vie. Parce que vivre, c'est un des besoins. C'est la vie, c'est la paix, c'est la cohabitation pacifique. C'est un climat assaini qui fait de sorte que tout le monde se sente à l'aise, que ce soit du côté du non ou du côté de oui. Alors, pour moi, je dis que ce contexte est susceptible, justement, de générer des tensions. Pourquoi ? Parce qu'il y a des intérêts divergents. Alors, avec ces intérêts divergents, les partis qui sont impliqués doivent vraiment être à leur garde pour éviter, surtout pour éviter un comportement susceptible de générer des violences. Ici, je parle beaucoup plus des résultats ici de ce processus. Parce que même si Honorable a dit que si le non remportait, pour eux, il n'y a pas de problème. Il est vrai, il a parlé de la personnalité qui diffère selon les individus. Mmh. Il y en a qui peuvent tolérer le non remporté. Mais je me dis que quelque part, c'est pas tout le monde qui pourrait tolérer, surtout la victoire du non, et vice-versa. Alors ici, je me dis qu'on doit plutôt se préparer à la bonne gestion des résultats de ce processus. Mosaïque. Merci beaucoup, Chartier. Et pour rappel, nous sommes dans l'émission Mosaïque depuis la province de Gitega et notre débat est centré sur la tolérance politique et avant le référendum constitutionnel du 17 mai. Chartier, dans le contexte actuel, est-il possible d'organiser une élection paisible surtout? Oui, je me dis, c'est toujours possible parce que tout dépend de... Tout dépend surtout des acteurs et des leaders politiques. Et nous sommes avec ces acteurs oui, ici. Oui, parce que ce sont eux qui sont le plus concernés par rapport aux autres. Parce que s'ils décident d'assurer que le processus électoral puisse se réaliser en paix, ça peut se passer, ça peut arriver. Merci beaucoup. Je donne la parole à l'honorable Georges Chibilimana. La situation, comme le spécialiste le disait, est bonne. Et vous, comment allez-vous assurer pour que cette situation soit très belle ou soit paisible? Ce que je vous ai dit, c'est que en tant que parti au pouvoir, nous n'avons aucun intérêt qu'il y ait quelque chose qui perturbe la paix. Oui. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui va songer à perturber la paix dans notre province, nous allons nous lever comme un seul homme, indépendamment de parti politique. Nous allons le combattre et il doit savoir que dans notre province, on ne peut pas accepter quelqu'un qui va nous retourner un pas en arrière. Nous sommes décidés à avancer toujours de l'avant. Comme je vous l'ai dit, la sécurité profite à nous tous. Il n'y a personne qui peut profiter de la sécurité. C'est ce que j'ai dit. Vous pouvez semer du désordre, mais tu oublies que ce désordre peut se retourner contre toi-même. Alors, comme vous nous posez cette question, nous sommes assurés que la paix est là et que cette activité va se dérouler dans la tranquillité. C'est ça le souhait de notre parti politique. Merci, honorable. Nous touchons vers la fin de cette émission. Quel comportement vous lancez, surtout à vos partisans, dans ce processus de la campagne électorale, plutôt de la campagne du référendum constitutionnel du 17 mai cette année? Nos partisans sont bien préparés. C'est la discipline, c'est l'ordre, c'est la tranquillité et c'est tout. Merci beaucoup. Comme je le disais, nous touchons vers la fin de cette émission. Alors, Frodéou, qu'est-ce que vous demandez pour que cette sérénité qui règne à Gitega persiste vraiment? Ce que nous devons faire, nous l'avons déjà fait, parce que je vous ai dit que nous avons déjà donné des consignes. C'est-à-dire, des consignes, c'est quoi? C'est d'abord le respect de l'autre, avant toute autre chose. Et quand vous faites campagne, il ne faut jamais penser que l'autre est ennemi. Non, du tout. Alors, ça, ils le savent très bien et ils sont prêts à marcher sans faire des histoires avec les autres qui sont dans d'autres parties. Alors, aujourd'hui, comme j'ai l'occasion d'avoir un média qui vient, tout ce que je peux demander, c'est qu'il se prépare selon les consignes, surtout pour gagner beaucoup plus les gens qui n'avaient pas la chance de comprendre que réellement nous sommes prêts pour voter le non. Parce qu'il y en a qui l'ont murmuré, ça je vous le dis. Il y en a qui l'ont murmuré et qui l'ont murmuré aujourd'hui. Mais je suis sûr et certain que ceux qui vont entendre ce que nous sommes en train de dire ici, je suis sûr qu'il y aura un changement net. Parce que vous savez, au Burundi, le bouche à bouche joue beaucoup plus que les choses claires. Mais quand les choses claires viennent, c'est là où les gens se fixent. Et c'est ainsi que, en ce qui concerne la paix dans notre province, en ce qui concerne la cohabitation, ça pour nous, franchement, jusqu'à présent, c'est pas un problème. Et en ce qui concerne nos militants, c'est pas un problème parce que, comme le spécialiste l'a dit, et comme vous aussi vous l'avez dit, il y a eu des cas qui se sont passés, mais c'est beaucoup, il y a beaucoup de temps. Par exemple, le cas d'Omtaho, ça on a essayé de gérer, ça s'est terminé. Mais prenons par exemple maintenant, il y a des années où on n'entend pas des histoires ici à Gitega. Et c'est ainsi que c'est pour montrer en fait que nos militants sont suffisamment sensibilisés pour ne pas créer des histoires inutiles. Et nous pensons que Gitega doit vivre la sérénité jusqu'au 17 pour plutôt attendre les résultats que madame faudra bien nous proclamer ce jour-là. Je vous remercie. Monsieur Evariste, si demain ou après-demain vous vous croisez avec les partis divergents, quel comportement allez-vous afficher bout à bout de vos, je dirais pas des ennemis, vos protagonistes politiques? Bon, ça s'est montré beaucoup plus de fois, même en 2010, quand on se croisait sur la route et qu'on va faire un meeting quelque part, on se saluait. On se salue. Bon, sinon, si là devient que on se croise au même endroit, par exemple, il y a eu une mauvaise organisation du calendrier, là ça devient problématique. Et là, jusqu'à présent, toutes les campagnes qu'on a fait, il n'y a jamais eu d'heure. On cherchait une solution à l'amiable et on devait trouver un endroit. Et je suppose que si ça arrive, même pendant cette période, on va gérer la situation comme on l'a toujours géré. Et s'il y a des problèmes qui nous dépassent, on va faire appel à madame ici présente qui va nous donner une ligne de conduite. Et comme ça, nous allons pouvoir continuer notre campagne paisiblement. Merci beaucoup. Je donne la parole à l'honorable Georges Chibirimana du parti CNDD-FDD. La même question, si demain ou après-demain, vous vous croisez avec vos protagonistes, c'est-à-dire ceux qui vont voter pour le non. Comment vous allez vous y prendre? Quel comportement allez-vous afficher? Je ne vois pas que cette situation peut se produire parce que chaque parti donne son calendrier à l'administration et à la CEPI. Alors, il n'y a pas moyen de se croiser sur la même entrée. Et si peut-être au chemin. Non, au chemin, comme il a dit. Il y a des slogans innés parfois. Non, ici à Gitega, je ne crois pas que cette situation va se produire. Sauf des gens qui manifestent un excès de zèle. Ces gens existent partout. Il y a des gens qui sont zélés, qui passe outre les recommandations qu'on a attribuées. Et si ce cas arrive, il faut gérer ça dans le même parti. Il ne faudrait pas tolérer quelqu'un qui va entacher votre parti politique. Alors, si cela arrive, je crois que ça va se résoudre dans l'amiable. Merci beaucoup, honorable Chartier. Est-ce que, comme dit l'honorable, s'il se montre ou il se fait un excès de zèle, quel comportement qui devrait surtout afficher envers les partisans des partis protagonistes? D'abord, il faut se rappeler que notre pays a connu une histoire sombre par rapport à la vie sociopolitique. La grande erreur est de voir des erreurs commises dans le passé se répéter encore une fois. La grande erreur est de voir l'histoire inchangée, l'histoire qui n'est pas changée. C'est pourquoi alors je dirais que d'abord, il y a la vie politique, il y a des idéaux politiques. On peut être partisan d'un parti politique et ça c'est normal. Mais il faut toujours comprendre que la citoyenneté vaut mieux que l'appartenance à un parti politique. Parce qu'un parti politique peut être aujourd'hui et demain disparaître. C'est normal. Un parti politique peut être fort aujourd'hui et demain disparaître ou changer. Parce que c'est ça normal. Quand on parle du dynamisme de la vie sociopolitique. Alors il faut que les gens comprennent que les choses changent avec le temps. Et alors mettre en avant l'intérêt suprême qui est la citoyenneté. Appartenir à ce pays, pour moi, devrait primer qu'appartenir à toute autre tendance politique. Être appelé Burundais est mieux que d'être appelé du tel ou tel autre parti politique. Alors, je demanderai à ceux qui sont trop zélés et souvent qui causent des troubles, qui sont des causeurs de troubles dans leur milieu respectif, de changer de comportement et aussi de s'exercer à vivre dans la tolérance avec les autres. Et deuxièmement, je voulais demander au leader, parce que un leader a une influence. Un leader a une influence surtout sur les membres de son parti politique. Je demanderai au leader politique aussi de suivre de près surtout certains comportements bizarres qui puissent s'observer dans les membres de leur parti respectif pour qu'ils puissent aussi apporter un message de changement afin que ces derniers aussi puissent aussi se comporter convenablement pour qu'ils ne créent pas de problèmes aux autres. Merci beaucoup, Chartier Niyungeko. Revenons pour terminer à la CEPI. Jacqueline, un message à tous les politiciens, surtout pendant cette période de la campagne. Pendant cette période de la campagne électorale, nous demandons à tous les leaders politiques d'être les bons leaders, de respecter les lois pour que la situation reste toujours paisible. Aussi de manifester un comportement de tolérance politique et le jour J, c'est-à-dire le 17 mai, d'accepter les verdicts des urnes. Merci beaucoup, Jacqueline de la CEPI. Offrez-vous un message pour terminer, pour clore ce débat mosaïque sur la tolérance politique. Moi, ce que je dis, le message que je peux donner à nos militants et à nos sympathisants, c'est que à partir du moment où nous nous prononçons sur notre position, qu'ils le prennent pour dit et pour compris, et qu'après nous puissions arriver au 17 sans autre forme de procès et qu'on vote ce que nous nous sommes proposés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Évariste Di Frodebou. La parole est accordée à l'honorable Georges Chibrimana du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les Français disent qu'après la pluie, c'est le bon temps. Quel message affichez-vous à vos partisans, surtout après le 17 mai? À nos partisans et à tous nos sympathisants et à tous les Burundais qui sont préparés à voter oui, je leur souhaite bonne chance. Je leur souhaite bon travail et de rester toujours vigilant parce que il peut survenir ici et là des gens qui sont mal intentionnés pour semer l'insécurité. Je demande à toute la population de Gitega de se lever comme un seul homme s'il y a quelqu'un qui vient nous causer des dégâts et que nous nous levons tous pour le combattre. Et pour terminer, à nos militants, à tous les Burundais qui sont préparés à voter pour oui, bonne chance. ceux qui vont voter pour nous. Bonne chance. Je ne sais pas. Pour ceux qui votent, oui, bonne chance. Et pour les voter, non. Et pour les autres, je ne sais pas. Merci beaucoup, honorable. Merci. Un dernier mot à cher Thierry Ogeko, spécialiste dans la résolution pacifique des conflits. Après la pluie, c'est le bon temps. Quel message vous aussi vous affichez, surtout au Burundi? Surtout un message que je lancerai à tous les Burundais. Ce que nous tous ensemble, devrions avoir une même vision commune d'un avenir meilleur souhaité pour nous et pour les générations futures. Un pays où règne la tolérance politique, où règne la diversité sociopolitique, où règne le dialogue comme un des outils de transformation sociale, parce que le dialogue doit être au centre de toute chose. Si nous voulons vraiment arriver à vivre une paix durable, quels que soient les différents événements, quelquefois les différentes tendances ou appartenances sociopolitiques, ainsi de suite, nous devons mettre en avant le dialogue comme étant un outil de transformation de conflits à tous les niveaux de vie. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Thierry Ogeko. Je rappelle que vous êtes spécialiste dans la résolution pacifique des conflits. Et voilà, c'est la fin de notre plateau mosaïque que nous animions depuis la province de Gitega, où on parlait de la tolérance politique dans cette période des échéances électorales pour le référendum. Au rendez-vous, nous étions avec 4 invités. Évariste Ndabaniwe, président du parti Sarwanya à Frodebou, ici dans la province de Gitega. Merci dans le plateau de Mosaïque. Bon, je vous remercie mêmement pour m'avoir invité. Et j'aimerais, si tout est possible, avoir l'orientation. J'aimerais que, si tout est possible, on devrait faire la même chose pour essayer d'expliquer le pourquoi de notre position. Ça serait encore mieux, mais si vous avez le temps, vous le ferez, si vous ne l'avez pas. Mais ce qui est mieux pour moi, si c'était possible, il faudrait trouver un temps, parce que ça compléterait ce que nous venons de dire ici. Et ainsi, les gens comprendraient réellement, en accompagnement de ce que nous venons de dire, le pourquoi et l'essentiel. Et comme ça, ça pourrait faire que nous nous fassions mieux entendre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Évariste Ndabaniwe du parti Sarwanya Frodebou. Nous disons également merci à Georges Chimilimana. Vous êtes secrétaire provincial du parti CNDD-FDD ici dans la province de Gitega. Merci beaucoup du temps que nous avons passé ensemble ici sur ce plateau de Mosaïque. Merci également et soyez toujours le bienvenu dans Gitega, la future capitale politique du pays. Merci également à Jacqueline Ngabi. Je rappelle que vous êtes présidente de la commission électorale provinciale indépendante ici de la province de Gitega. Merci vous aussi de votre présence dans ce débat de Mosaïque. Merci de m'inviter. Merci également à Chartier Niungeko. Pour rappel, vous êtes spécialiste en transformation des conflits. C'est moi qui vous remercie beaucoup de m'avoir convié à ce plateau et je serai toujours prêt à répondre à votre invitation chaque fois que vous aurez besoin de ma contribution pour que notre pays puisse vivre une paix durable. Merci beaucoup à vous, auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, qui étiez avec nous depuis le début jusqu'à la fin de cette émission Mosaïque. Merci également à Aubin Niyonguru pour sa parfaite réalisation dans ce plateau de Mosaïque. Au micro, vous étiez avec Médar Niyonguru. Nous vous souhaitons de passer la meilleure des meilleures. Au revoir. Mosaïque.